ouais, comme dans la saison 1. Et maintenant, tu enquêtes encore. Et comme Marlowe, mon regard est vide. Y'a comme un hic, trop compte encore. Le flingue est nettoyé. Le flingue est nettoyé. Le flingue est nettoyé. Le flingue est nettoyé. Que plus de balles dans le chargeur. Un peu plus de papier. La haine dans mon hood n'a pas changé. La haine dans mon hood n'a pas changé. Et comme les bleus. Tout ce qui est bleu est étranger. J'suis dans la cabine téléphonique. Crame pas mon blaze, toi tu pénaves. J'ai pas confiance en ces schlags. T'en as sur le nez, bon tu fais quoi? Le ramène à pas de chrome. Garde le cheeseburger. Le code c'est 187. Je le connais pas cœur. Je sors du toit ouvrant. J'ai ligoté ma paire. J'ai laissé parler les cartouches. On m'arrête dans le secteur. Et je contrôle toujours le raté, ça n'a pas changé depuis. Je suis comme Barney. Fais compter la machine à billets, fais chauffer la cuillère. Je suis comme Barney. Et je contrôle toujours le raté, ça n'a pas changé depuis. Je suis comme Barney. Fais compter la machine à billets, fais chauffer la cuillère. Je suis comme Barney. Je me sens comme Barney. Je me sens comme Barney. Je me sens comme Evan, Evan, Evan, Evan Barney. Je me sens comme Barney. Je me sens comme Barney. Je me sens comme Evan. Les mauvais payeurs se font plomber. Et les junkies font des OD. Je faisais de la monnaie, toi tu dormais. Quand tu t'es réveillé, tu m'as vu compter. Langage codé, belle et cocondée. Langage codé, belle et cocondée. Elle est conditionnée, c'est le fané. J'suis déjà dans les flammes comme un pompier. Des petits te tirent dessus. C'est pas le mec tendu. Quand ça te pousse des lits, pourquoi tu réponds plus? Flag automatique, voiture manuelle. Toujours plus de bénéfices que la veille. Tous les jours, c'est le jour de paye. Tous les jours, c'est le jour de paye. Et je contrôle toujours le raté, ça n'a pas changé depuis. Je sens comme Barney. Fais compter la machine à billets, fais chauffer la pluie. Je sens comme Barney. Et je contrôle toujours le raté, ça n'a pas changé depuis. Je sens comme Barney. Fais